Derrière mes carreaux, je me raconte des histoires. Je me fabrique un peu d'espoir. Quand le soleil s'en va, que je ne dors pas, en fermant les yeux, j'entends sa voix. Demain, demain, demain, demain, on sera un autre jour. Demain, demain, demain, demain, demain, il sera là. Demain, demain, demain, demain, je mais rien n'a changé. Il est parti, mais la terre continue de tourner. Il est parti et je suis restée dans ma chambre à l'attendre. J'ai bien trop peur. Il sera là.